60 ans, que ça suffit comme ça, vous comprenez? Alors que quelques pleutres me disent l'inverse, et c'est loiré. Bon, alors là, la franchement, si on a bien dit que là, enfin, si vous voulez, ça ne va plus du tout, ça ne va plus du tout, n'est-ce pas? Ça fait 40 ans que qu'est-ce que je le dis, alors bon, on va pas me faire croire que c'était... La politique doit partir de la réalité du citoyen et mieux pour faire le bien de sa gente. Parce que c'est celle nationale supportable pour personne, jamais la politique n'est pas là. Avec une politique qui rendue à l'horizon, décider au moment de prendre le bon pouvoir, de voir le bon pouvoir, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, C'est la fatalité. Depuis 25 ans, t'as rien à faire. Ne fais pas partie de mon vocabulaire.